s'exhalant rêve dans les cieux. Ne suis-je dans rien que la tempête des passions s'apaise vers toi. L'homme n'est plus, renais poète, je t'aime Hoffmann, appartiens-moi. Giulietta! No! Assassiné! Antonia! No! Mort! Es-tu fou? No! Je te reconnais! Stella!